un nom prestigieux, une vie royale. Et regardez ces diamants fabuleux, fragments d'étoiles, c'est magistral. Notre gloire fait des envieux qui restent silencieux. Si avoir tout ce qu'on désire est mal, alors je ne veux pas faire le bien. Moi je veux le contrôle sur mon trône, je le veux et j'y tiens. Notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. Notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. À servir le monde, toi et moi ensemble, sans s'arrêter jamais, jamais. Construisons notre empire, notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. Modeste, qu'on croit on sera à nous, laisserons tous à genoux. Si avoir tout ce qu'on désire est mal, alors je ne veux pas faire le bien. Moi je veux le contrôle sur mon trône, je le veux et j'y tiens. Notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. Notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. À servir le monde, sans s'arrêter jamais, jamais. Construisons notre empire, notre empire. Régne sur tout le monde, domine tout le monde. À portée de main car le monde nous appartient. On veut juste le pouvoir, l'argent et le pouvoir. Les autres ne sont rien car le monde nous appartient. Notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. Notre empire règne sur tout le monde, domine tout le monde. À servir le monde.